Actes chapitre 11. Or les apôtres et les frères qui étaient en Judée, apprirent que les gentils aussi avaient reçu la parole de Dieu. Et quand Pierre fut remonté à Jérusalem, ceux de la circoncision disputaient avec lui, disant, « Tu as entré chez des hommes incirconcis, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre commençant, leur exposa le tout par ordre, disant, « J'étais en prière dans la ville de Joppe, et étant ravi en esprit, je vis une vision, savoir, un vaisseau comme un grand linceul, qui descendait du ciel, lié par les quatre bouts, et qui vint jusqu'à moi, dans lequel ayant jeté les yeux, j'y aperçus et j'y vis des animaux terrestres à quatre pieds, des bêtes sauvages, des reptiles, et des oiseaux du ciel. J'ouïs aussi une voix qui me dit, « Pierre, lève-toi, tue, et mange. » Et je répondis, « Je n'ai garde, Seigneur, car jamais chose immonde, ou souillée, n'entra dans ma bouche. » Et la voix me répondit encore du ciel, « Ce que Dieu a purifié, ne le tient point pour souillé. » Et cela se fit jusqu'à trois fois, et puis toutes ces choses furent retirées au ciel. Et voici, en ce même instant, trois hommes, qui avaient été envoyés de Césarée vers moi, se présentèrent à la maison où j'étais. Et l'Esprit me dit que j'allasse avec eux, sans en faire difficulté, et ces six frères s'y vinrent aussi avec moi, et nous entrâmes dans la maison de cet homme. Et il nous raconta comme il avait vu dans sa maison, un ange qui s'était présenté à lui, et qui lui avait dit, « Envoie des gens à Joppe, et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi, et toute ta maison. » Et quand j'eus commencé à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme aussi il était descendu sur nous au commencement. Alors je me souvins de cette parole du Seigneur, et comment il avait dit, « Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Puis donc que Dieu leur a accordé un pareil don, qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi, qui puisse m'opposer à Dieu? Alors, ayant ouï ces choses, ils s'apaisèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant, « Dieu a donc donné aussi aux gentils, la repentance pour avoir la vie. » Or, quant à ceux qui avaient été dispersés par la persécution excitée à l'occasion d'Étienne, ils passèrent jusqu'en Phénicie, et en Cypre, et à Antioche, sans annoncer la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Mais il y en eut quelques-uns d'entre eux, Cyprien, et Cyrénien, qui étant entrés dans Antioche, parlaient aux Grecs, annonçant le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, tellement qu'un grand nombre ayant cru, fut converti au Seigneur. Et le bruit en vint aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem, c'est pourquoi ils envoyèrent Barnabas pour passer à Antioche. Lequel y étant arrivé, et ayant vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhortait tous de demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Car il était homme de bien, et plein du Saint-Esprit et de foi, et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. Puis Barnabas s'en alla à Tarse, pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il le mena à Antioche. Et il arriva que, durant un an tout entier, ils s'assemblèrent avec l'Église, et enseignèrent un grand peuple, de sorte que ce fut premièrement à Antioche, que les disciples furent nommés chrétiens. Or, en ces jours-là quelques prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, nommé Agabu, se leva, et déclara par l'Esprit, qu'une grande famine devait arriver dans tout le monde, et en effet, elle arriva sous Claude César. Et les disciples, chacun selon son pouvoir, déterminèrent d'envoyer quelque chose pour subvenir aux frères qui demeuraient en Judée, ce qu'ils firent aussi, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul.